بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'audio et personnellement j'ai envie d'en faire de moins en moins car je veux qu'elle soit de qualité. Et après m'être pris des coups assez violents sur Internet en faisant un constat un peu pessimiste sur la Oumma, j'ai décidé d'un peu revenir en arrière et d'aller étudier des questions que je ne maîtrise pas, comme celle de la science de la critique, la science du débat, de la confrontation, des échanges, au niveau des preuves, de l'argumentation, à quel moment il faut mettre un terme à un débat, à une discussion, comment on peut déterminer qu'une personne l'a emporté sur l'autre. À partir de quel niveau de science, à partir de quel niveau de preuve. Et tout ça, c'est important de le déterminer parce que sinon, on s'en sort jamais. Et comme je l'ai écrit, on va toujours être dans des fitnas sans fin, indéterminées, qui sont très fatigantes, qui nous font perdre beaucoup d'énergie, qui nous dépriment parce qu'on ne voit pas le bout, on ne voit pas comment on peut avancer alors que nous sommes. Allahu a'lam, mais par rapport au signe qui nous a été donné, nous sommes, je pense, pendant la fin des temps. Il y a des choses assez spéciales qui se passent dans le monde, dans les quatre coins du monde, dans toutes les régions et surtout les terres musulmanes. Donc il faut qu'on en prenne conscience et le problème, c'est qu'on est tous à des niveaux différents, on a tous des visions différentes et on ne revient pas réellement au Coran et à la Sunna. Quand on parle de Coran et de revenir au Coran et à la Sunna, on ne revient pas réellement par rapport à la méthodologie, par rapport à la science et au discernement qu'on devrait avoir, à la clairvoyance qui devrait être notre principale qualité, avec la sincérité, la curiosité et le respect de l'analyse de notre frère ou de notre sœur en islam, avant de donner son opinion pour le moindre désaccord. Bon, bref, en gros, il y a beaucoup de choses qui ont fait que je me suis remis en question, comme tout le monde, hein. Je suis un simple musulman, je ne suis rien d'autre. Je suis ici uniquement pour me faire progresser moi, et faire progresser mes frères et sœurs en islam, et qu'on s'entraide et qu'on essaie de trouver comment dire, une lueur d'espoir et un minimum d'organisation et un minimum de solidarité pour qu'on puisse montrer au monde que on n'est pas totalement mort et qu'il nous reste beaucoup de choses et qu'on a été décrit par Allah Azzawajal comme la meilleure des communautés de toute l'histoire de l'humanité. Donc notre âge d'or effectivement est passé, nos institutions ont été détruites. Notre religion a été détruite, nos savants ont été emprisonnés, tués. Mais nous, on est là, on essaie de relever la tête, de garder le cap, et on essaie de se battre. Et ce qui me fait un peu mal et ce qui m'énerve, c'est qu'on se fait attaquer déjà par les mécréants, par les hypocrites, par les ignorants. Et là, aujourd'hui, on se fait attaquer par les propres musulmans à l'intérieur de la Oumma. Donc ça a été assez violent pour moi. Donc il me faut un petit moment pour que je puisse digérer et que je puisse en ressortir quelque chose de meilleur. Inch'Allah. Comme moi, comme tout le monde, j'espère que tout le monde va progresser, va acquérir beaucoup de force à travers toutes ces fitnas et de détermination et surtout de revenir vers Allah Azzawajal, car c'est ce qu'il y a de plus important. La force et le pouvoir, on l'a si on se tourne vers Allah Azzawajal, pas vers les créatures. Voilà. Ce que je voulais juste dire, en fait, je voulais parler d'un point, c'est par rapport à la série Omar. Donc, effectivement, c'est une série extraordinaire. Franchement, elle est très impressionnante. Moi, je suis totalement bluffé. Je la trouve magnifique. Je trouve que c'est vraiment très très réaliste. Je suis vraiment bluffé. Mais ça m'a étonné effectivement que ce soit le Qatar qui ait produit cette série. Parce que vous savez qui est le Qatar, hein, c'est l'ennemi, parmi tant d'autres, l'ennemi de l'islam authentique aujourd'hui. Avec les Saouds, avec les Émirats Arabes Unis, avec tous ces gouverneurs apostats, traîtres, hypocrites, sont des ennemis de l'islam en réalité. Donc ça m'a étonné que ce soit le Qatar qui soit producteur de cette série. Mais en réalité, en y réfléchissant bien, c'est pas si étonnant que ça, car c'est une technique de manipulation qui est employée par le shaitan, par le Iblis, par le Dajjal, par tout ce qui est toutes les entités démoniaques, pour pouvoir tromper les fils d'Adam et pour pouvoir nous tromper afin de nous amener là où ils veulent nous amener. Donc faites très attention à ce genre de technique de manipulation, elles sont très connues. C'est qu'ils vont vouloir nous charmer à travers des séries et des productions très réalistes. Donc ils vont commencer par ça. Donc ils vont commettre quasiment aucune erreur. Ça va être un chef-d'œuvre. Ils vont regrouper des centaines de millions de musulmans qui vont commencer à suivre cette série, qui vont commencer à apprécier ce type de format. Et ensuite, ils vont, quelques mois, quelques années après, ils vont passer à la vitesse, à la deuxième vitesse, à la vitesse supérieure. Ils vont produire un autre film, puis une autre série, puis dans lesquels ils vont commencer à intégrer de plus en plus d'innovations, de bid'a. Et les musulmans, comme ils ont accepté la première innovation dans la première série Omar, au niveau de la représentation des compagnons, ben forcément, ils ouvrent une porte qu'il fallait pas ouvrir, donc ils vont ouvrir les autres. Normalement, je me rappelle plus comment on appelle ça, c'est une technique Pavlov ou je sais pas quoi, la technique de la grenouille, comme quand vous faites fumer une grenouille et elle va continuer à tirer, tirer, tirer jusqu'au moment où elle va exploser et puis elle va mourir. C'est une technique d'usure. On arrive à piéger les gens avec le temps, petit à petit, avec dose par dose, jamais de façon brutale. Et c'est de cette façon-là qu'on arrive à modifier des choses qui normalement ne sont pas modifiables, qui sont extrêmement ancrées dans la population. Donc faites très attention, ne soyez pas étonnés que des ennemis de l'islam produisent ce genre de choses. En fait, en réalité, c'est pour une mauvaise intention, même si leur première production semble être quelque chose d'extraordinaire, et c'est quelque chose d'extraordinaire, mais attendez de voir les prochaines séries produites par la même maison de distribution venant du Qatar, et vous allez comprendre qu'en réalité, c'est des gens qui avaient de mauvaises intentions, et vous allez comprendre encore une fois que ça rentre dans la case complot contre l'islam. Voilà, comme je l'ai écrit, ça c'est des techniques du shaitan, des entités démoniaques, c'est des techniques du dégel durant ce dernier siècle. Il a fait pareil avec la télévision, avec la musique, avec la radio, avec les séries, avec les films, avec la publicité, avec les vêtements, avec la mode. Il a fait pareil, par exemple, avec la musique, quand il va toujours commencer par quelque chose de sobre, quelque chose de très limite pur, quelque chose voilà, par rapport à la population. Donc les premiers chanteurs médiatisés au niveau de la télévision, c'était Jacques Brel, Brassens, Francis Cabrel, Édith Piaf, hein, tous ces gens-là. Même les acteurs, actrices, ils se tenaient bien, ils parlaient bien. Et puis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans après, on commence de plus en plus à les modifier. Et on passe, c'est plus du Jacques Brel, mais c'est du Ricky Martin, ou c'est du Marilyn Manson, ou c'est du AC/DC, ou c'est des trucs démoniaques, ou des rappeurs. Côté des chanteuses, c'est plus du Edith Piaf, etc. Ça devient du Rihanna, du Lady Gaga, du satanique, de la perversion, de la vulgarité. Du côté des films, c'était des films en noir et blanc, avec des discours, avec de l'intelligence. Maintenant, ça devient quasiment des films pornographiques. Pareil pour tout, en réalité, ceci est des techniques diaboliques. Et Allah Azzawajal nous prévient dans le Coran que, en réalité, les ruses du shaitan sont faibles, mais elles le sont faibles. Les ruses du shaitan sont faibles uniquement si on s'approche réellement du Coran et de la Sunna, et uniquement si on se rapproche de la science religieuse, économique, politique, à tous les niveaux, sur tous les points, il faut qu'on soit des savants. Et à la fin des temps, il n'y aura plus trop de savants, parce qu'ils seront emprisonné, torturé, tué par les tyrans. Mais le savoir, il est là, et il faut se pencher là-dessus. Et à partir de ce moment-là, les techniques du shaitan seront effectivement faibles. Et si on ne se penche pas là-dessus, on risque de se faire avoir et on risque de descendre vers un égarement et d'ouvrir en grand les portes de l'enfer. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Qu'Allah Azza wa Jalla nous éprouve pour mieux nous guider. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.